Avec un tarif Comac, c'est pas week-end, c'est réveillon. J'entends déjà chanter les casseroles dans tout le quartier. Eh ouais, mon gars, ça c'est Paname. Dès aujourd'hui, la barquette de champignons blancs de Paris, Mon Marché Plaisir, est à 1,55€ et c'est seulement jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. La barquette de 500 grammes, soit 3,10€ le kilo, vendue pied coupé. Catégorie 1, origine France. Et si on profitait de 50 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1? Moi, chez Orange, pour 9,99€ par mois, j'ai 50 gigas pour jouer à tous mes jeux quand je veux. Et moi, chez Orange, pour 9,99€, j'ai 50 gigas pour mater des vidéos et écouter des podcasts. J'adore! Ouais, bah, moi, j'adore encore plus que toi. Avec Orange, profitez du forfait mobile 50 gigas pour clients open à 9,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Jusqu'au 14 novembre, 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients conservant le numéro de mobile. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr, réseau numéro 1 selon locataire 7 octobre 2018. Vous êtes sur RTL, tu peux me laisser un peu la musique parce que je ne vais pas pouvoir hurler non plus. Donc reprenons depuis le début, calmons-nous, tout va bien. Remets-moi la petite musique parce que là il y a le top horaire qui part. La musique, voilà, on est vendredi. Nous avons lancé deux cas et dans quelques instants nous reviendrons sur les cas qui bloquent sur RTL. What's the sense in sharing this one and only life? Il est vraiment plus beau, Jean. Il a l'air plus viril. Il a changé quelque chose, non? Oui, il a changé de montre. Ça change de changer de montre. Profitez-en. Quand l'heure change, changez de montre. RTL, il est 10h. Je peux vous dire que vous les troublez tous, Mélina Fachin. Bonjour, c'est les infos. Bonjour Julien, bonjour à tous. Y aura-t-il bientôt des policiers dans les écoles? Le nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ne l'exclut pas. Je souhaite aussi que nous puissions renforcer le dialogue, par exemple, en proposant la présence de permanence de policiers ou de gendarmes dans les établissements, évidemment, avec l'accord du chef d'établissement, de sorte qu'on puisse avoir un lieu d'échange. Et dans les quartiers les plus difficiles, je pense en particulier aux quartiers de Reconquête républicaine, je n'exclus pas la possibilité de présence à des moments de tension particulière dans la journée, de présence physique de forces de l'ordre dans l'établissement, évidemment, avec l'accord du chef d'établissement. Christophe Castaner, ce matin au micro RTL de Sinamir, il s'exprime à l'issue d'une réunion avec les ministres de l'Éducation et de la Justice. D'autres mesures vont être annoncées pour renforcer la sécurité à l'école. On en parle beaucoup depuis l'affaire de cette enseignante braquée par l'un de ses élèves avec un pistolet à billes la semaine dernière à Créteil. Et ce matin, nos confrères du Parisien nous révèlent une autre histoire du même type. Un proviseur a porté plainte au Havre. Quatre adolescents de 15 et 16 ans sont depuis hier en garde à vue pour avoir braqué deux de leurs professeurs. Le dossier de l'attentat de la rue Copernic relancé. La justice ordonne ce matin une nouvelle expertise avant de se prononcer sur le non-lieu dont a bénéficié l'unique suspect, Hassan Diab. Cet attentat avait fait 4 morts devant une synagogue parisienne en 1980. Une contre-expertise va donc être effectuée d'ici février prochain. À Paris, grosse perturbation en ce moment sur le périphérique extérieur. La circulation est coupée entre la porte de Bagnolet et la porte des Lilas. En cause, un véhicule qui a pris feu dans un tunnel. Du football avec la soirée cauchemar des clubs français hier en Ligue Europe. Marseille s'est incliné à domicile 3-1 contre la Lazio de Rome. Bordeaux a perdu 2-1 sur le terrain de Saint-Pétersbourg et Rennes s'est incliné 2-1 également face au Dynamo Kiev. Ce soir, reprise de la Ligue 1, 11e journée du championnat. Nîmes-Saint-Etienne, coup d'envoi à 20h45. Une rencontre à suivre en direct sur RTL dans Soir de Ligue 1 dès 20h. La Bourse de Paris a ouvert en baisse de 1,07% ce matin. L'indice CAC 40 tourne autour des 4 967 points. La météo de votre vendredi. Beaucoup de grisailles encore ce matin, essentiellement sur la moitié nord du pays. Le ciel est plus dégagé vers les Alpes et la Méditerranée. Quelques averses sur les côtes de la Manche qui se décaleront vers l'Île-de-France et en direction de la frontière belge cet après-midi. Le seul endroit où vous trouverez du soleil finalement, c'est le quart sud-est de la France. Les températures cet après-midi, 12 degrés à Reims, 13 à Nancy, 14 à Paris, Lille et Caen, 16 à Toulouse, 17 à Lyon et Bordeaux, 21 à Nice et Nîmes, 22 à Marseille et Perpignan et 24 à Ajaccio. Les courses cet après-midi se joueront à Mons en Belgique. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 3, le 7, le 5, le 8, l'As, le 2, le 13 et le 6. La dernière minute de Dominique, c'est le 13. Voëlan, il est 10h03. Vous retrouvez Julien Courbet. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Mélina, pour d'autres infos à 11h. C'est parti, point info très rapide sur ce qui s'est passé depuis le début de l'émission. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. On doit des sous à Eric. Combien lui doit-on ? Plus de 7000 euros. C'est une entreprise qui lui doit cet argent et certaines factures datent d'un an. On attend des nouvelles de la direction. Oui, de Monsieur Georges Albert. Et nous avons un deuxième cas qui vient d'être lancé qui est hallucinant, celui d'Ernesto. Il est sans retraite depuis juillet. On lui doit à ce jour plus de 3500 euros et pour toucher l'argent, l'administration lui demande de prouver qu'il est bien en vie. Il est parti vivre au Portugal. Où en est-on avec la CNAV, s'il vous plaît, Charlotte ? On est en attente d'une réponse de la CNAV. On a eu une conseillère en ligne et Bernard a repris l'appel. Bernard ? Écoutez, c'est un petit peu chaud la discussion. Julien, j'ose pas la mettre à l'antenne parce que lui, il n'est pas content. Il dit, je vous ai envoyé tous les éléments. Et la dame dit, je suis désolé, on l'a jamais reçu. Alors que lui, l'envoyait recommandé avec un accusé de réception le 18 septembre. Est-ce qu'il a le récépipi de leur voix ? Oui, bougez pas, attendez, je voulais pas. Ernesto, vous avez le récépissé ? Ernesto, oui, ils ont le récépissé, je voulais envoyer en photocopie le récépissé. Alors, on va envoyer à cette dame, si de la CNAV, si elle est là, on va lui envoyer la preuve qu'il a bien envoyé, parce qu'on ne peut pas, comme ça, indéfiniment dire aux gens, vous ne nous avez pas envoyé, quand on a nous-mêmes les récépissés. Donc, ils l'ont reçu. Le problème, c'est que, comme ils sont des centaines à travailler là-bas, il suffit que Jocelyne l'ait reçu et ne l'ait pas dit à Monique, et quand vous avez Monique au téléphone, elle dit, je n'ai pas reçu, c'est ça le problème. Donc, il faut, madame, donc, peut-être qu'on puisse vous l'envoyer à vous directement, pour qu'on puisse avancer dans le dossier, parce que lui, pendant ce temps-là, il n'a pas de retraite. Vous, vous faites votre boulot, vous n'y êtes pour rien, mais lui, le pauvre, il n'a plus de retraite. Bah, je comprends son désarroi. Après, ça ne sert à rien de me l'envoyer à moi. Moi, comme je disais, je suis téléconseillère. D'accord, je ne traite pas du tout ce genre de dossier. Bon, alors on va appeler plus haut. Je vais l'envoyer à la CNAV de Noël. On va appeler le directeur. Merci, mademoiselle. En tout cas, merci beaucoup. On va interpeller donc Monsieur Renaud Villard, car comme vous venez de l'entendre de la voix même de cette jeune fille, le problème est là. On vous dit envoyez-nous des papiers. Vous les envoyez. C'est donc l'agent numéro 24 qui va recevoir les papiers. Mais après, quand vous rappelez en disant alors j'ai envoyé mes papiers, que se passe-t-il ? Vous tombez sur l'agent numéro 26. Mais le 24 n'a pas dit au 26 qu'il avait reçu les papiers. Donc ça peut durer comme ça jusqu'à la nuit des temps. Donc s'il vous plaît. Jusqu'à votre décès, effectivement. Non, on ne dit pas qu'ils attendent ça, mais Ernesto, vraiment, monsieur Renaud Villard, j'aimerais tellement que vous puissiez chanter à Ernesto « C'est fini !» et dire que tu as failli ne jamais toucher la retraite. Monsieur Villard, je compte sur vous. La CNAV, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, vous essayez de me trouver quelqu'un. Il y a madame Karine Morancé qui est sur le dossier ou mademoiselle Maurice. Je m'en occupe. Dans une seconde, Céline, s'il vous plaît. On reviendra sur le dossier de Carla qui est passée hier dans le 9h30-11h. Elle a acheté une voiture à plus de 5000 euros et le compteur était revu à la baisse au moment de l'achat. Et si vous passiez un bon week-end, tiens, je vais vous lancer de bonnes ondes pour que ce soit le cas. Bon week-end RTL. La première radio de France est là tous les matins pour vous. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Anaïs Bouton. Compter les moutons, c'est vrai que ça permet de trouver le sommeil ? Et qu'il faut mieux roupiller la tête au nord ? Ou qu'il faut du lait chaud pour dormir ? Bon, on dégomme les idées reçues sur le sommeil. Tout à l'heure, 14h, c'est sur RTL. Bonne nuit les petits. Sophie est artisan fleuriste. Aujourd'hui, elle a coupé 600 fleurs, livré 9 bouquets et rendu 3 femmes follement amoureuses de leur homme. Ah, j'oubliais. Sophie a aussi fait réviser son véhicule Renault en une heure. Et ça, c'est un vrai plus. Avec le réseau spécialisé Renault Pro Plus Premium, bénéficiez de services d'entretien adaptés aux pros. Comme un véhicule de remplacement de même catégorie, un accueil dès 7 heures et des tarifs sur mesure. Offre et services réservés aux professionnels sur les véhicules Renault dans le réseau spécialisé Renault Pro Plus Premium. Liste des affaires et conditions sur Renault.fr. En ce moment, dans les magasins U, ce sont les ventes privées live. Et Morgane dit au directeur du magasin. Ah, écoutez, je suis lessivée. Oh bah alors, vous avez 40% de remise immédiate sur la lessive liquide Pods Ariel à 12,29€, soit 7,37€ la boîte de 36 doses. Et jusqu'à demain, 20% en plus en Eurocarte U. Oh bah c'est propre ça. C'est nickel, alors dépêchez-vous. Les ventes privées live, c'est jusqu'à demain dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com, soit 7,58€ le kilo. Commerçons autrement. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Alors, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, essayer d'avoir pour Ernesto la Caisse Nationale en haut lieu. Nous allons avoir Carla dans une seconde y revenir. Nous avons le don de Bernard Sabat. Je croyais qu'il plaisantait, mais j'étais mauvaise dent, car 200 euros de plus, merci Bernard. Oui, mais vient d'être ajouté à la cagnotte. C'est votre augmentation que vous m'aviez promis. Ben oui, il y a 11 ans. 18 371 euros. Et on aura peut-être une petite nouvelle annoncée à notre président qui s'occupe de notre mascotte Napo tout à l'heure. Mais là, on va revenir sur le message de Carla. Voilà ce que Carla nous avait avez dit sur l'antenne d'RTL. Je vous appelle de l'Essonne. J'ai acheté un véhicule auprès d'un professionnel. 3 mois plus tard, le moteur s'arrête brusquement sur l'autoroute. J'ai toujours pas eu de carte grise et depuis j'ai appris que ce véhicule qui affichait au compteur 136 824 km avait déjà plus de 146 000 km en décembre 2010. C'est une très grosse affaire, hein, JB, on ne va pas se mentir. Donc il y a déjà un compteur qui a été trafiqué et on ne dit pas que c'est celui qui a vendu la voiture qui l'a trafiqué. On dit juste qu'en tant que vendeur de voiture, il se doit de savoir le passé de cette voiture, Maître Felono, et il est responsable de l'état de la voiture et elle, elle veut le remboursement. Mais et il y avait pire hier. Il est responsable, je veux dire, des vices cachés. Exactement. Effectivement. Hier, JB, vous vous êtes aperçu aussi qu'il y avait d'autres témoignages de gens qui disent « on a nous-mêmes acheté chez Dreamcar » et malheureusement, nous n'avons pas les cartes grises. Il y a une quinzaine de personnes qui sont concernées, elles se sont toutes rassemblées, il y a tout un groupe. Donc ce n'est pas un cas isolé, notre auditrice Carla, il y en a beaucoup. Alors que s'est-il passé depuis hier? Nous avons essayé d'appeler Hussein Kobeissi. Hussein Kobeissi, qui est l'interlocuteur de Dreamcar, qui se trouve à Épinay-sous-Sénart, je le dis car il y a beaucoup de Dreamcar en France. Sa femme est la gérante de la société, c'est Nadine Kobeissi, rue Ville de Champagne, à Épinay-sous-Sénart. On rappelle aussi que le garage à côté, le pauvre, lui entreposait des voitures de Dreamcar et a commencé à dire « maintenant arrêtez de m'appeler parce qu'il me met des voitures chez moi, maintenant je lui ai demandé de partir parce que tout le monde appelait pour réclamer des cartes grises ». Je dis une bêtise ou pas, JB? Grosso modo, c'est ça, c'était son voisin et il y avait beaucoup de monde qui l'appelait parce que c'est le seul numéro qui apparaît sur Google Maps, c'est le seul numéro qu'on peut percevoir, donc il en avait marre. Que s'est-il passé depuis? Alors, il ne s'est pas passé grand-chose, je ne vais pas vous le cacher. Moi, j'ai tenté de joindre ce monsieur à plusieurs reprises, je lui ai laissé des messages, il ne répond pas, il ne rappelle pas ce monsieur sans le devenir un fantôme. Alors, hier surtout, on l'a appelé, c'était lui, puisqu'on a le numéro, il a été checké, rechecké, il nous faisait « allô, oui, non, c'est pas moi, en fait ». Et raccroché. Donc nous, on va continuer. Je pense que ça va se terminer de toute façon au pénal, Maître Felono, parce que les choses sont graves. Mais nous, on se doit de l'interpeller pour qu'il nous donne sa version des faits, pour qu'il puisse dire sur RTL, vous dites n'importe quoi, vous êtes des incapables, voilà la vérité, vous vous êtes trompé. Mais pour ça, il faut qu'il prenne le téléphone et qu'il ne nous raccroche pas au nez. Monsieur Kobeissi de Dreamcar qui se trouve à Épinay-sous-Sénart, 5 villes de Champagne. Alors, de toute façon, notre auditrice, elle, a déjà déposé plainte, mais le fait que maintenant elle apprenne qu'il y ait d'autres victimes, c'est intéressant que ces victimes se groupent. Vous pouvez à ce moment-là vous prendre un avocat en commun et faire une plainte entre les mains de monsieur le doyen des juges d'instruction, parce que là, ça vous garantit l'ouverture d'un dossier. Et c'est vrai que les faits sont quand même troublants et ils sont susceptibles de constituer tout à fait une infraction. Allez, monsieur Kobeissi, essayons de régler ça. Nous vous rappellerons donc dans quelques jours pour avancer afin de ne pas avoir à chanter. J'ai acheté une voiture, j'ai pas eu la carte grise. Kobeissi, qui aussi. A tout de suite sur RTL pour un nouveau cas. Donc merci, vous continuez JB et vous nous en dites un petit peu plus. Maître Felono étant consterné par ce qu'elle vit au quotidien depuis maintenant 20 ans. Mais elle se dit, j'ai fait le plus dur. Ouais. Il en reste moins devant que derrière. Au point où j'en suis, je passe encore quelques années avec ce couillon, et tout ça sera une vieille histoire. Est-ce que vous savez que Véronique Sanson et Vianney ont fait un duo sur la fameuse chanson sur Ma drôle de vie, et c'est super bien, les duos volatiles, nouvel album de Véronique Sanson, écoutez-moi ça, on adore déjà sur RTL. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie, j'ai les idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours. Pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Et si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. Même si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. Du duo volatile. Le nouvel album de Véronique Sanson, composé de duos reprenant ses grands succès, sorti le 23 novembre. D'ici là, écoutez Le Confidentiel. Véronique Sanson, que Jean-Alphonse Richard vous proposera demain à 13h30 sur RTL. Nous allons, si vous le voulez bien, prendre tout de suite. Est-ce que j'ai une minute là pour annoncer une petite nouvelle? Encore une fois, c'est Napo, c'est la mascotte, c'est notre chien aveugle. Est-ce que le président est là de l'association? Il est là, Julien. Alors, Paul Charles, je vous passe très rapidement Madame Ariette. Non, c'est pas elle, pardon, c'est Monsieur Jackie Rousseau qui est là. Bonjour Jackie. Bonjour Julien, ça va bien? Ça va Jackie. Jackie, vous représentez une association qui s'appelle comment? L'association populaire du Blanc-Misseron, c'est-à-dire que ça se... Le Blanc-Misseron, c'est un quartier de Kiev-Rochin qui se trouve à la frontière belge entre Valenciennes et... C'est sur l'autoroute Valenciennes-Bruxelles. D'accord, vous recueillez des fonds et après vous les distribuez à différentes associations. Voilà, nous avons déjà distribué 3 fois des fonds, l'association de Jean-Pierre Papin et l'association Rêve d'enfants. D'accord. Et là, aujourd'hui, on a pensé à vous, parce que nous voulons surtout aider les gens qui en ont besoin. Et on a estimé que un chien aveugle, ça serait tout à fait normal de vous aider. Alors, combien pouvez-vous donner l'association, puisque vous avez recueilli des fonds, l'association de Monsieur Paul Charles? Eh bien, écoutez, on va lui donner 5000 euros. Ouais, oh là là, magnifique ça. Vous avez entendu, Paul? J'ai entendu, Julien. Merci, Jackie. Écoutez, extraordinaire. Vous faites faire passer la barre des 23 000 euros, c'est super. Alors, on y est presque. On arrive presque aux 25 000. On va bien pouvoir dresser ce petit napeau. Attendez, pas tous en même temps. Jackie, allez-y, rapidement. Oui, c'est le travail d'une association. Hein, je le fais, je ne suis pas tout seul. On est 8. Hein. Ce sont des personnes déjà d'un certain âge. Il faut savoir que l'association, il y a des gens de 70, 75 ans. Ok. Hein, chez nous. Mais vous savez, on n'est pas nombreux, mais on est efficace. Je vois ça, Jackie. En étant efficace, et ben voilà. Eh ben, Jackie, c'est magnifique. Peut-être que vous passerez à Paris avec le chèque, Jackie. J'aimerais aller vous remettre le chèque à vous. C'est OK, Jackie. On va organiser ça. Vous viendrez vous le remettre dans le studio, d'accord, Jackie? Allez, on fait comme ça. Merci à Jackie et à son association. À bientôt. Ah ben attendez, les chèques de Jackie, moi j'ai envie de lui dire... Ah, oui, oui. De Jackie Rousseau, 5000 euros par-ci, 10 000 euros par-là, c'est comme les... Oui, vous vouliez dire, Paul? Ouais, Julien, nous sommes à moins de 2 mois de Noël. Oui. Les auditeurs d'RTL viennent de donner un cadeau magnifique à un déficient visuel. Merci à eux, vous êtes tous magnifiques. Alors on va les comptabiliser, on n'est pas encore à 25 000, on n'est pas très très loin, mais on y arrive doucement. Et le petit napo. Il y arrivera d'ici la fin de mois qui vont suivre. D'accord. Mais... Faut y arriver. Allez, on va y arriver. Merci, Jackie. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. La cagnotte Litchi offrait un chien guide à un non-voyant avec RTL. Qui a dit le bonheur vous va si bien? Et le bonheur, c'est de terminer la saison en beauté. Découvrez la nouvelle collection manteaux chez Kiabi. Les nouvelles tendances pour toute la famille et surtout à tout petit prix. Comme l'incontournable parka femme hyper chic à 25 euros au lieu de 50. 25 euros, c'est beau, non? Le manteau par Kiabi du 24 octobre au 6 novembre. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Conditions, magasin et kiabi.com. Moi, je suis moi-même au fil. Je fais tout moi-même. Les plantes, c'est moi. Ah bah c'est simple, hein, je suis incollable. Petit biscus, crise d'antenne, robot dindon. Incollable, je vous dis. Non, les plantes, c'est moi. Et Gamme Vert. Eh oui, faire plaisir avec Gamme Vert, ça change tout. Et jusqu'au 27 octobre, Gamme Vert vous propose la jardinière de 30 cm composée de 3 plantes pour 9,95€ seulement. Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les soirées de Bastien qui changent. Avec la sortie de Red Dead Redemption 2 à 46,59€ et 2€ de cagnotte. Bastien, un carnet à hors-la-loi réputé à travers toute l'Amérique ne coûte que 46,59€ et tu gagnes 2€ de cagnotte. Bonne nouvelle. Tu peux réaliser ton rêve aujourd'hui. Aujourd'hui, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent Red Dead Redemption 2 à 46,59€ et en plus 2€ de cagnotte. Et vos soirées changent. Auchan. Offre valable aujourd'hui seulement. Montant crédité sur votre compte Wahoo, voire conditions en magasin et sur Auchan.fr. Jeux vidéo déconseillés aux moins de 18 ans. Cuisine Aviva, c'est pour ceux qui sont à l'affût des meilleures affaires et pour ceux qui savent sauter sur la bonne occasion. Du 8 octobre au 20 novembre, Cuisine Aviva vous offre jusqu'à 6 électros. Alors, n'attendez plus et venez vite chez Cuisine Aviva. Voir conditions en magasin et sur cuisine-aviva.com. Cuisine Aviva, garantie à vivre. Ce week-end, vos champions ont rendez-vous au Camp Nou. Il y va seul, Ousmane Dembélé. Pour le match qui fait vibrer la planète football. Oui, c'est frappé au premier poteau sur la tête de Raphaël Varane. Le Classico, FC Barcelone-Real Madrid. Karim Benzema, la frappe enchaînée. Pas de week-end sans champion, pas de week-end sans Beansport. Dimanche, vibrez avec le Classico, le vrai. FC Barcelone-Real Madrid, en direct et en exclusivité sur Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com. Intermarché vous propose d'écouter un prix coûtant. Mais pourquoi tu veux qu'on aille faire les courses avec deux voitures ? T'inquiète. Aujourd'hui et jusqu'à samedi seulement, le carburant est à prix coûtant chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalités et magasins participants sur intermarché.com et sur Waze. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Tu as appris la nouvelle ? Non, pas pour Caro et Thomas. Du 26 au 28 octobre, CA offre moins 20% sur toute la collection femmes. Oui, 3 jours pour se faire plaisir chez CA. C'est quand même plus intéressant que les histoires de cœur de Caro, non ? Remise déduite en caisse valable dans tous les magasins CA et sur ctirea.com, voire conditions en magasin. Chers voyageurs, notre voyage continue et... Oh, écoutez, vous entendez ? 10 Les forfaits Power ! Pour attirer leurs partenaires, ils chantent leur prix. 10 euros par mois ! Ah, j'en vois déjà qui sont séduits, hein ? Ah oui, Francis ? Chez SFR, les forfaits sont irrésistibles. Jusqu'au 19 novembre, le forfait Power 50Go 4G+, est à seulement 10 euros par mois pendant un an, puis 25 euros. Rendez-vous en magasin SFR. Aye, aye. Offre soumise à conditions réservée aux nouvelles souscriptions. Prix clé en box, engagement 12 mois, 4G+, sous réserve de couverture avec terminal compatible. Excusez-moi, le plat du jour, s'il vous plaît. Eh bien, le plat du jour, c'est... L'Air Discount. Je dois filer. Aujourd'hui, les 5 kilos de pâtes Tortinetto sont à 2,50€. 2,50€ les Tortinetto. Netto, le discounter qui fait la différence. Lot de 10 x 500 grammes, soit 50 centimes le kilo. Magasin participant sur netto.fr. Pour votre santé, bougez plus. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. 10h21, nous réécoutons maintenant le message de Marcel, puisque le vendredi, nous sommes dans la grande farandole des cas qui sont non résolus. Que nous avait dit Marcel ? Je suis gérant d'une société de fourniture et pose de store. On m'a confié un gros chantier de restructuration d'un immeuble. On me doit toujours 9 816 euros depuis 7 mois. Alors, il y a eu beaucoup d'appels. Nous avions essayé de joindre la société AITB, son président, M. Dondénas. On avait appris que M. Éluin, qui est un des actionnaires minoritaires d'AITB, prendrait le relais si rien n'était réglé au 30 novembre. Mais depuis, il y a eu du nouveau Marcel. Alors, peut-être juste avant, parce qu'on essaie de bien se remettre dans le contexte, Maître Fellonneau, rappelez-nous exactement ce qui s'était passé avec Marcel. Bon, Marcel, il a participé à la construction d'un immeuble de bureau, très bel immeuble de bureau à Paris. Il a fourni, lui, les stores, 188 000 euros, et il lui reste un reliquat de 9 816 euros. Ça correspond à 5% après la levée des réserves. Vous savez, quand on reçoit un chantier, on a peut-être parfois quelques petites remarques à faire. Il y en a eu, il les a réparées, il a fait son boulot, maintenant il attend son argent. Il y a eu du nouveau, je vous écoute Marcel, nous sommes en direct sur RTL. Oui, bonjour Julien. Bonjour. À 11h hier, après l'émission, j'ai reçu un appel téléphonique de la direction financière de Quartus qui m'a dit « Nous avons fait le virement à votre banque, vous allez être soldé dans la journée. » Fantastique. Et est-ce le cas ? C'est tout à fait le cas. J'ai appelé la banque vers 15h et l'argent était déjà sur mon compte. Eh bien, bravo. Je ne peux que féliciter AITB, entité du groupe Quartus. Voilà, il y a eu une incompréhension. Peu importe laquelle, nous n'avons pas à juger ça. Ce qui compte, c'est que c'était injuste pour Marcel. Ils l'ont compris. Ils l'ont tout de suite indemnisé. Ça prouve que ce sont des pros. Bravo AITB. Bravo Monsieur Franck Dodenas pour avoir écouté notre appel et avoir réagi aussi rapidement. Bon, ben, vous êtes heureux, Marcel ? Ah bah c'est parfait, Julien, je voulais féliciter quand même toute l'équipe qui s'est investie dans ce problème avec une efficacité époustouflante. Et puis nous on vous retrouve donc demain soir, c'est ça, samedi soir, vous êtes à la télé ? Non ? Non. Ah, je croyais que vous faisiez Danse avec les stores. Pardon. Je suis désolé Marcel, mais comme c'est la fin de semaine... Oui Bernard. Juste, je voudrais remercier Patrice Éluin, qui est donc un actionnaire minoritaire d'AITB, qui nous a énormément aidé dans cette négociation, qui a joint le président. D'accord. Et tout s'est fait très vite, c'est ça l'important de signaler. Bonne journée Marcel. Merci Julien, à bientôt. À bientôt Cécile, dans quelques instants nous dira quoi ma petite Céline? Eh bien qu'elle gère une entreprise qui propose des spectacles, une association lui a commandé des animations pour Noël 2016 et on lui doit toujours 4 100 euros. Oh bah alors qu'est-ce qui se passe? Elle fait des animations, on l'a pas payée, on avait appelé une personne, nous allons voir si quelque chose s'est passé depuis, parce que c'est toujours sympa. Tiens regardez Maître Felono, le spectacle de marionnettes, elle est pas belle Maître Felono? Oh oui, oh dis donc, bien sûr qu'elle est célibataire. Oh bah dis donc t'as taillé. Qui est bien entreprenant. Oh, bah, ben oui. Vous voyez, ben ça, je peux en faire n'importe quand. Moi. Ouais, n'importe quand. Il n'y a personne, mais je peux en faire. 11h, 12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. C'est une équipe de baltringues, donc quand je viens, je viens. On peut être très drôle et fragile, et peut-être même très drôle parce que fragile. Muriel Robin se confie dans À la bonne heure. Et À la bonne heure, c'est 11h sur RTL. À tout à l'heure. Et donc, vous êtes cascadeur depuis combien de temps? Ça fait 30 ans que je sillonne les routes dans ce van de tournage en tournage. C'est dangereux comme métier, non? Bien sûr, mais le risque, c'est toute ma vie. Ah, vous vous arrêtez au passage à niveau, vous? Allez, on a un peu de temps. Les barrières sont en train de se baisser. C'est hors de question. Franchir un passage à niveau lorsque les feux clignotent et l'alarme sonne, c'est pas une cascade, c'est la mort assurée. Le feu rouge clignote, l'alarme sonne, arrêtez-vous. Ne risquez pas votre vie au passage à niveau. Ceci est un message de SNCF Réseau et de la Sécurité Routière. Conforama, le confort pour tous. Quand on déstocke une grande sélection de produits jusqu'à moins 50%, on pense à... Quoi? Moins 50%? Oui, on pense surtout à vous qui allez profiter de toutes ces bonnes affaires. Conforama, jusqu'au 12 novembre, conditions en magasin et sur conforama.fr. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. Chaud les prix du week-end, chaud. Approchez messieurs dames, ils sont chauds mes prix du week-end. Madame, un prix du week-end? Dès aujourd'hui, le filet de marron du Périgord itinéraire des saveurs est à 3,99€ et c'est seulement jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le filet de 1 kg, calibre G2, catégorie 1, origine France. C'est le moment. Le moment de vous joindre aux millions de personnes qui organisent des joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Zoom vous offre une vidéo parfaite, une audio très claire et un partage instantané sur tous les appareils mobiles, les tablettes ou les appareils de bureau. Mais ce qui est le mieux avec Zoom, c'est que ça marche, tout simplement. Alors fini les distractions, joignez-vous au mouvement et à vous les joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Visitez zoom.us/fr pour créer votre compte gratuit aujourd'hui. C'est zoom.us/fr, la vidéoconférence Zoom. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Chez Carrefour, pour sa sortie, le jeu Red Dead Redemption 2 est à seulement 46,49€ au lieu de 69,95€. Non mais 46,49€ seulement, c'est fou. Résultat des courses, la conquête des économies, c'est gagné. Jusqu'à demain seulement, pour sa sortie, le jeu Red Dead Redemption 2 est au prix de lancement exceptionnel de 46,49€ au lieu de 69,95€. Carrefour. PS4 ou Xbox One, prix de lancement valable les 26 et 27 octobre. Modalité et liste des produits sur carrefour.fr. Déconseillé aux moins de 18 ans. Bah, ma chérie, qu'est-ce que tu fais la tête en bas devant ton placard à chaussures? Je me prépare aux offres renversantes de Besson Chaussures. Pendant les Best Only Days, ils font jusqu'à moins 50%. Moins 50%, c'est renversant! Jusqu'au 4 novembre, selon quantité d'articles achetés, voire conditions et magasins participants sur besson-chaussures.com. Besson Chaussures. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Dans une seconde, c'est le cas de Cécile qui nous avait dit ceci. Je vous appelle de Paris. Avec ma mère, je gère une entreprise de spectacle et d'animation. Une association nous a contactés pour des prestations d'artistes et elle nous doit 4 100€. Eh bien, nous allons voir si le dossier a avancé. En parlant de spectacle, j'espère que vous serez là le 10 novembre au Casino de Deauville, où je vous présenterai le One Man Show. Venez vous marrer avec nous, 10 novembre au Casino de Deauville, le 1er décembre au Casino d'Enghien-les-Bains et le 12 janvier au Casino Barrière de Bordeaux. Et là, tout de suite, pour fêter le week-end, ladies and gentlemen, voici Coldplay. Vous allez adorer et on retrouve nos cas juste après sur RTL. Must be my use. allons accueillir Cécile sur l'antenne d'RTL. Cécile, bonjour. Bonjour, bonjour Julien, bonjour toute l'équipe. Merci de revenir avec nous sur l'antenne d'RTL. Donc on rappelle Céline ce qui est arrivé à Cécile. Alors Cécile gère une entreprise qui propose des spectacles. Une association lui a commandé des animations pour Noël 2016 et depuis elle attend d'être payée de plus de 4000 euros. Et nous avions eu la responsable de l'association Chanel avec un S, hein, Chanel 24. Elle était à l'étranger, elle s'engageait à trouver une solution. Nous allons réécouter ce qu'elle nous avait dit sur l'antenne d'RTL. Ah, c'est bloqué, on a un petit problème dans la machine, c'est bon. Bon, alors c'est effectivement totalement idiot, merci à Cécile Lamy d'avoir eu cette bonne initiative, comme ça effectivement on va en profiter pour entériner ce litige toutes les deux, voilà. D'accord. Donc si elle veut bien me contacter ou bien si elle accepte que je la contacte jeudi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis mon JB ? Cécile et Nathalie Cablaouaillon se sont bien recontactées. Dans un mail, Nathalie Cablaouaillon s'est même engagée par écrit auprès de notre auditrice à régler en deux fois les 4100 euros qu'elle lui doit. D'abord 2100 euros entre le 10 et le 15 octobre, puis 2000 euros un mois après. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le 26 octobre, Cécile n'a toujours rien reçu. Aïe, aïe, aïe, ma pauvre Cécile. C'était la chanson de Michel Delpech. Eh bien, nous allons rappeler, c'est parti. C'est dommage de faire des promesses comme ça sur l'antenne et d'après de ne rien faire en se disant peut-être qu'ils vont oublier. Non, nous ne lâchons pas l'affaire parce que Cécile, elle a bossé, elle a fait son spectacle. Il n'y a aucune raison qu'on ne la paie pas. Nous rappelons donc Nathalie Cablaouaillon. Nathalie Cabla, K-A-B-A-L. Oui, Nathalie ? Oui. Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL, nous sommes en direct, je suis toujours avec Cécile Lamy. Nathalie, on était en train de faire le petit point sur cette histoire et il devait y avoir, je crois, un petit versement qui devait arriver, qui apparemment ne serait pas arrivé. Est-ce qu'on se trompe ? Je ne peux pas savoir s'il est arrivé, mais il est parti. Mais il est parti quand, sans indiscrétion, Nathalie ? La demande a été faite la semaine dernière, il est parti milieu de semaine. Bon, écoutez, on attend donc des nouvelles la semaine prochaine. Si c'est un virement, bonjour madame. À peu près. Si c'est un virement, votre banquier, là, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il devrait être reçu depuis un moment. C'est un compte en France. Bien sûr. Oui, bon, écoutez, là, je comprends pas. Bon, on s'appelle donc mercredi prochain, Cécile, semaine prochaine, et si jamais il n'y a rien, vous me le redites. Oui. En fait, c'est tout le temps des promesses, et ça tourne en rond, et jamais il n'y a de paiement, ça n'arrête pas, comme ça, tout le temps. Cécile, on va le savoir, on va en avoir. Ça, vous me dites ça. Moi, je ne sais pas si elle fait des promesses ou pas. Là, je sais que cette dame me dit le virement est parti. Donc, c'est obligatoire qu'il arrive la semaine prochaine. Donc, si la semaine prochaine, on va se dire le lundi d'après, il n'est pas arrivé, eh bien, ça veut dire que Madame Cablaouaillon nous a menti. On se permettra de lui dire et de la rappeler. Mais je ne vois pas pourquoi elle s'amuserait à faire ça devant des millions d'auditeurs. Oui, et d'autant plus. Absolument. Merci de le faire remarquer, voilà. Julien Courbet. Je n'ai pas besoin d'une catastrophe supplémentaire de ma vie. Dans ma vie, je le dis haut et fort. Ah oui, c'est une victime. Ah oui, tu es la victime, Nathalie. Je ne suis pas une victime et je ne vais pas continuer dans cette conversation. Je veux bien qu'on se rappelle mercredi. D'accord, ça va. Mais c'est juste, c'était le 28 septembre. Oui. Nathalie, n'oubliez pas que vous nous aviez dit que vous alliez la payer. Ça fait un mois. Alors, je ne suis pas prête d'oublier. D'accord. Juste quelque chose, madame. Moi, je tiens à vous rappeler que si vous êtes dirigeante de cette association et qu'elle est en liquidation judiciaire, une faute de gestion pour le fait d'avoir passé des commandes sans les payer peut être retenue contre vous et vous êtes susceptible d'avoir à payer avec vos données personnelles. J'ai des avocats qui m'ont recommandé de ne pas... J'attends le courrier. Je devais recevoir un courrier de ton avocat. J'attends toujours des nouvelles de ton avocat. Allez, on en reste là. On s'appelle semaine prochaine et on appellera Nathalie Cablaouaillon pour qu'elle nous en dise plus. Je vous en prie. Cécile. Merci beaucoup. On attend mercredi. On se parle semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Au pire, lundi d'après. D'accord ? Merci. Voilà, on va bien voir si cette dame, on saura enfin si cette dame est de bonne foi ou non. Allez, courage Cécile, on ne lâche pas, on y revient. On va se retrouver avec d'autres affaires et une alerte peut-être à l'instant. Que se passe-t-il, Bernard, sur quel dossier ? C'est le cas d'Éric, le premier cas. Ah oui, alors Eric, on rappelle. Alors il dirige une entreprise de logo et de pub, une société lui doit 7046 euros. Oui, c'est vrai, je me rappelle très bien, c'était tout à l'heure, car j'ai une mémoire qui tient maintenant un peu plus d'une heure vingt. Où en est-on ? Alors je suis inquiet, Julien, parce que tout simplement, l'interlocuteur principal qu'on a eu tout à l'heure, M. Bergo, ne répond plus sur son portable. Et quand on appelle donc Scam TP pour avoir Georges Albert, Maintenant, le standard ne répond plus et ne prend même pas les messages. C'est pas vrai. Je vous promets. Donc, on peut même le tenter en direct. Vous allez voir. Alors, c'est dommage que ScamTP ne répond plus. Ben, c'est pas grave. On appellera Georges Albert. On va faire un Georges Alberton pour qu'il nous appelle afin de pouvoir nous dire tout simplement, c'est pour ça qu'on l'appelle, qu'il nous donne sa version des faits. Peut-être que, après tout, Eric nous a raconté n'importe quoi. Mais jusqu'à preuve du contraire, personne ne nie que ScamTP. Alors, ScamTP, s'il ne répond plus, par contre, il y a peut-être de l'inquiétude à avoir, parce que ça veut dire qu'ils se cachent et c'est dommage. Ils sont 16 route nationale 88 à Garidec. C'est dans le 31 380. Donc voilà ce qui se passe quand on appelle ScamTP maintenant. Alors peut-être qu'on est le vendre. Oui, ScamTP, Julien Courbet à l'appareil. Oui. Est-ce que vous pouvez me repasser Jacques Bergot? Alors, Jacques Bergot est en réunion, là. Ah, bon, ok. Est-ce que je peux lui demander de vous rappeler éventuellement? Alors, qui d'autre, Bernard? Georges Albert, le président, qui devait nous rappeler avant 11h. Ah oui, monsieur Albert devait nous rappeler. Est-ce que vous avez eu des nouvelles? Il n'est pas rentré encore. Bon. Il est à l'extérieur, il n'est pas encore. Allez, ça marche. On réessaie tout à l'heure. Merci, madame. D'accord. À tout à l'heure. Voilà, merci, ben, vous voyez, on a été quand même un petit peu mauvaise langue parce qu'il répond. Vous, vous avez essayé tout à l'heure, Julien, à la société, mais je l'ai fait 10 fois. À sa décharge, on a vraiment appelé de nombreuses fois, ça ne répondait pas, et bien là, ça répond, et c'est très bien. Tant donc mieux. J'espère qu'on va trouver une solution sur l'antenne d'RTL. Céline, qu'avons-nous dans les tuyaux? Est-ce qu'on ne reviendrait pas sur le dossier de Norbert? Vous savez, c'est ce maire d'un village dans le Val d'Oise, et certains habitants étaient coupés d'internet et de téléphone fixe depuis septembre. Alors, vous savez qu'il y a un petit. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, Maître Fellonneau, de ce fameux CNC. Le CNC, c'est un organisme qui finance des films et des documentaires, etc. Puis là, il y a eu une petite histoire, parce qu'il y a beaucoup de documentaristes qui proposent des documents, ils n'y ont pas le droit. On leur dit non, votre documentaire ne rentre pas, donc on ne vous donne pas cette aide-là. Et on s'aperçoit que, vous savez, Cyprien qui fait des vidéos sur Internet, il siège à la commission et lui a touché une somme de 50 000 euros du CNC pour ses petits films Internet, alors qu'il y a d'autres documentaires, de grands documentaires qui sont refusés. Alors on se demande, est-ce que le fait qu'il soit à la commission, ça a pu l'aider, etc. Le Monde, en tout cas, dans son édition, se pose la question, et c'est vrai qu'on aimerait que Mme Frédérique Bredin, la présidente, nous explique comment elle attribue, parce que on aimerait en savoir un petit peu plus. Moi, par exemple, j'ai fait un beau documentaire sur le 14 juillet, la préparation, l'a refusé, puis après vous voyez une petite vidéo internet avec quelqu'un devant sa caméra qui fait des blagues qui va réussir à avoir des milliers d'euros. Alors on veut savoir, c'est tout, on essaie de comprendre et c'est tout à fait normal. Bernard, bah écoutez, moi je vais voir avec mon épouse que je voulais faire un documentaire sur elle pour savoir comment c'est je peux la quitter depuis 34 ans et je pense que je peux obtenir une bonne... C'est de bon goût ça. Non, ne la quittez pas, franchement pas si c'est une blague, vraiment elle nous met mal à l'aise parce pas du tout Julien. En plus je vais vous dire une chose, elle ne restera pas longtemps sur le marché votre épouse. Très bien. Je l'aime. Allez, nous allons nous retrouver avec Norbert dans une seconde. Alexandre, client Netatmo. Quand on est médecin, les imprévus, ça fait partie du métier. Mais pour assurer le confort de ma famille, pas question d'improviser. Notre appartement est équipé d'un chauffage collectif et j'ai installé sur mes radiateurs des têtes thermostatiques intelligentes Netatmo. Depuis, c'est ambiance cocooning à la maison. Je peux choisir la température idéale pour chaque pièce. Ça me rassure de les savoir bien. Et avec les économies que je fais, je vais pouvoir encore plus les gâter. Comme Alexandre, choisissez Netatmo, des solutions de chauffage intelligentes pour allier confort et économie. En ce moment, jusqu'à 50 euros remboursés sur nos solutions de chauffage intelligentes. Conditions sur netatmo.com. Netatmo, votre maison plus intelligente, tout simplement. RTL. On a tellement de choses à se dire. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Chez Carrefour, pour sa sortie, le jeu Red Dead Redemption 2 est à seulement 46,49€ au lieu de 69,95€. Non mais 46,49€ seulement, c'est fou. Résultat des courses, la conquête des économies, c'est gagné. Jusqu'à demain seulement, pour sa sortie, le jeu Red Dead Redemption 2 est au prix de lancement exceptionnel de 46,49€ au lieu de 69,95€. Carrefour. PS4 ou Xbox One, prix de lancement valable les 26 et 27 octobre. Modalité et liste des produits sur carrefour.fr. Déconseillé aux moins de 18 ans. Le Grand Bain. Je suis inscrit dans une équipe de natation synchronisée. Le meilleur film français de l'année pour RTL. Championnat du monde. Qui est pour? Un film de Gilles Lelouch avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poulvorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira, Leïla Bekti, Marina Foïs et Philippe Catherine. Qu'est-ce que j'écris là? Équipe de France. Pourquoi pas les hommes dauphins? Non. Le Grand Bain, actuellement au cinéma. Avec RTL. Eva Dumont, voulez-vous prendre pour époux Marc Royer? Je sais pas. Comment être sûr de son choix? Que choisir FEPO Neuve pour mieux vous guider? Téléviseur. Inutile de trop dépenser pour avoir un modèle performant. Sur 40 télé testées, nos experts vous aiguillent. Que choisir nouvelle formule? C'est plus d'engagement, plus de terrain, plus de tests, plus d'alertes et toujours indépendant. Que choisir nouvelle formule ? En vente chez votre marchand de journaux. Moi, je suis moi-même au fil. Je fais tout moi-même. Les plantes, c'est moi. Ah bah c'est simple, hein, je suis incollable. Petit biscus, crise d'antenne, robot dindon. Incollable, je vous dis. Non, les plantes, c'est moi. Et Gamme Vert. Eh oui, faire plaisir avec Gamme Vert, ça change tout. Et jusqu'au 27 octobre, Gamme Vert vous propose la jardinière de 30 cm composée de 3 plantes pour 9,95€ seulement. Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est la soirée Halloween de Virginie qui change avec la troisième boîte offerte pour l'achat de deux sur une sélection de bonbons Haribo. Virginie, tu n'as pas envie qu'un enfant te jette un sort et te transforme en chou-fleur puant? Alors prévois plein de bonbons. Vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent deux achetés égale le troisième offert sur la gamme Haribo Méga Fête et Halloween change. Auchan. Offre disponible jusqu'à mardi, valable sur les produits Méga Fête Surprise 800 grammes, PIC 720 grammes et Dragibus 960 grammes. Voir conditions en magasin. Pour votre santé, bougez plus. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et nous accueillons Monsieur le maire, Norbert. Bonjour Norbert. Bonjour Julien, comment allez-vous? Moi pas mal. Norbert nous a expliqué qu'il est maire d'une commune dans le Val d'Oise et depuis le 5 septembre, vous entendez, depuis le 5 septembre, deux rues de son village n'ont ni internet, ni téléphone fixe. Et dans ces rues, il y a des particuliers, dont lui, mais il y a aussi une pédicure podologue, c'est son sa fille, oui, qui ne peuvent plus avoir de clients, etc. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'un tracteur est passé par là et a arraché un câble. Ouais. On est bien d'accord. Et depuis, il ne se passe rien, mais tout le monde continue à payer l'abonnement, et puis il y a un devoir de venir réparer assez rapidement. Donc hier, nous avons appelé Orange. Norbert, où en est-on, s'il vous plaît? Bah écoutez, la situation s'est rétablie. Hier matin, on a eu une équipe qui est arrivée en coup de commando. Une équipe, j'ai découvert le matin à 8h dans la rue du village devant chez moi, une équipe de 5 personnes avec du matériel pas possible, une nacelle, des véhicules et tout est rentré dans l'ordre. À midi, c'était résolu. Je vais vous dire une chose. Moi, ils m'épatent de plus en plus. Alors, ils sont leaders, je crois. Ils détiennent les câbles, donc c'est souvent sur eux que ça tourne, même si on est SFR, etc. Puisque je crois que c'est Orange qui détient, bien sûr, exactement. Câble. Pensez à bien dire bref, et donc ils interviennent immédiatement. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. À chaque fois, Orange intervient tout de suite et dans les minutes qui viennent, et je trouve ça formidable. Donc tant mieux pour vous, tant mieux pour votre fille. Donc Maître Fellono, vous voulez prendre un rendez-vous pour une avec la podologue? Mais il paraît que vous aviez des ongles de 7 mètres soi-disant. Ah ouais. Ah oui, mais ça vous savez, c'est Julien qui a un sens de la mesure démesurée. Il va falloir déjà faire passer le pied par la porte. Hein, déjà c'est pas gagné. Ça l'intéressait des ongles de 7 mètres. Bon, très bien. Eh bien monsieur Laloyer, et merci pour vos administrés d'avoir fait tout ça. Écoutez, je tenais à vous remercier parce que c'est grâce à vous que la situation s'est décantée. Et vraiment, un merci, un grand merci. Et voilà, sans vous, je crois qu'on n'y serait pas arrivé. Allez, ça marche. Merci beaucoup. Merci aux équipes qui s'en sont occupées. Rapidement, Bernard. Emmanuel Gauthier, il faut le remercier. C'est lui qui prend les dossiers en main à chaque fois, qui fait ça dans un temps record. Merci à Orange et bravo, c'est des vrais pros. Dans une seconde, nous reviendrons sur un lit. C'est celui de Julien. Mais c'est un nouveau cas, en fait. Une seconde, nous reviendrons sur un nouveau cas. C'est le cas de Julien avec son lit. Exactement. Il a commandé de la literie sur internet pour plus de 1 800 €. Il attend d'être livré, il n'a pas tout reçu encore. Et ben voilà, ça va nous donner l'occasion de danser un petit rock pour fêter ça, puisque voici Billy Paul, et c'est Billy Paul. Il aurait pu s'appeler Paul Billy, hein, ça sonne beaucoup moins bien. Je trouve que Billy Paul, ça fait beaucoup plus américain que Paul Billy. Il chante Your Song, qui est une chanson d'Elton John, qu'il a remis à sa sauce, et Dieu qu'on aime ça. Ça, c'est les musiques qu'on aime sur RTL. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a bigger mansion where we both could live. If I was a sculptor, Lord, honey, but then again. I know it's not much, I know it's not much, but it's the best I can do. You gave me your gift, Lord, and I'm gonna sing it for you. And you can tell everybody that this is the song. How wonderful life is when you're in the world. C'est Billy Paul, Your Song sur RTL. Et merci car vous avez fait de cette émission l'émission la plus écoutée de France. Vous êtes presque 2 millions à nous écouter en cumulé. C'est énorme et c'est comme ça que nous avons réussi à régler autant de cas. Et nous allons continuer avec Julien qui est en ligne avec nous. Julien, bonjour. Bonjour Julien. Bonjour toute l'équipe. Julien, s'il te plaît, nous raconter ton cas. Eh ben, j'ai commandé un ensemble de lits le 31 août de cette année et j'ai toujours rien reçu alors que je devais être livré au bout d'une semaine ou deux semaines. Mais vous avez quand même un lit de remplacement, rassurez-moi. Heureusement, ouais, j'ai pensé à garder mon ancien lit pour pas dormir par terre. Vous êtes en couple, Julien ? Oui, tout à fait. Très bien. Total de la facture, 1 835 €. Quand vous les appelez en leur disant, écoutez, ça fait quand même beaucoup maintenant, qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Alors, pour les appeler, c'est assez difficile de les avoir parce que c'est assez long et puis le créneau horaire est assez dur. Donc, je les ai contactés par mail. Oui. Et ils m'ont répondu une première fois. Et quand ils me demandent de leur répondre pour faire suite à leur mail, en fait, eh ben, j'ai plus de nouvelles. Eh bien, nous allons les appeler dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Ça sera un cas express, un rapido cas. Dans une seconde, voyons comment le site va nous répondre. Un site qui a l'air bien placé dans le matelas. Maître Félonneau fera son analyse juridique. Le Point Info avec toutes les règles d'or arrivera également. Et vous êtes toujours sur la cagnotte. Je vous en dis plus dans quelques instants. À partir de 50 ans, les problèmes de prostate touchent plus d'un homme sur deux, ce qui peut engendrer une baisse de leur qualité de vie. Pourtant, il existe des solutions. Parlons-en avec le docteur Mimoun. Pierre, vous avez 52 ans et vous souffrez de troubles urinaires. Quelles sont les conséquences dans votre quotidien ? Ben, je suis obligé de me lever plusieurs fois dans la nuit et le manque de sommeil se fait sentir au fil de la journée. Les troubles urinaires masculins ne sont pas une fatalité. Pour empêcher les envies nocturnes, commencez par limiter les boissons après 19h. Si ces conseils ne suffisent pas, sachez qu'il existe des solutions. Prostamol est un complément alimentaire à base d'extraits naturels de sérénoir et pince qui contribue au maintien d'une fonction urinaire normale chez l'homme de plus de 45 ans. Prostamol, c'est une capsule par jour à prendre idéalement pendant 3 mois. Demandez conseil à votre pharmacien. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Passez une bonne journée en compagnie d'RTL. Je te promets la liberté, c'est le nouveau roman de Laurent Gounelle. Vous avez 10 jours pour sauver votre job et votre couple. Et dans les deux cas, on vous reproche votre personnalité. Aussi, quand un homme mystérieux propose d'installer en vous une toute nouvelle personnalité, la perspective est tentante. Je te promets la liberté de Laurent Gounelle, une histoire exaltante dans laquelle vous aimerez vous perdre et vous retrouver. Aux éditions Calman Lévy. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Allô patron ? Des nouvelles de Lidl ? Ah bah toutes fraîches. Il y a des pommes, des poireaux, des salades, des carottes. C'est quoi ces salades ? Et des carottes, des melons, des choux, que des produits frais de qualité, livrés tous les jours. Et les consommateurs ? Ouais. Eh bah ils ont élu Lidl meilleure chaîne de magasins de l'année catégorie fruits et légumes. Et nous patron ? Bah on est dans les choux. Oh. Lidl, élu meilleure chaîne de magasins de l'année catégorie fruits et légumes. Tout est dit et c'est vous qui le dites. Étude basée sur 359 606 évaluations de mai à juillet 2018 par Keolia. Plus d'informations sur Lidl.fr. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites... Il nous reste un tout petit budget pour le solde du salon, du coup on va avoir le choix entre moche ou ringard. Super. On vous répond, jusqu'au 5 novembre, profitez du carrelage Zoom pour 3,89€ le mètre carré. Avec son aspect béton, donnez un look contemporain à votre salon sans sacrifier votre budget ni la qualité. Leroy Merlin. et vos projets vont plus loin. Soit 5,52€ le carton. Non, je suis très content d'être à la retraite. Ça me fait juste bizarre de me dire qu'un jour, il va falloir que je laisse cette maison. Mais pourquoi tu dis ça? Bah, parce que c'est la vie. Le contrat SMA de Prévoir, tu connais pas. Solution maintien autonomie. Tu fais venir un conseiller Prévoir chez toi gratuitement. Vous trouvez ensemble les solutions adaptées à tes besoins. Et après, chez toi, tu kiffes la life. Je quoi? Bah, tu profites de la vie. Et c'est mon petit-fils qui m'a appris ça. Ah. Prévoir, c'est plus de 20 ans d'expertise dans l'assurance perte d'autonomie. Rester autonome, c'est Prévoir. Tous les renseignements sur prévoir.com. Pendant l'anniversaire géant, les bonnes affaires sont particulièrement juteuses. Jusqu'au samedi 27 octobre dans votre géant, les clémentines feuilles sont au prix savoureux de 2,39€ le kilo. Oui, 2,39€ seulement le kilo de clémentines. Profitez-en, l'anniversaire géant vous invite à faire le plein de vitamine C et de bonnes affaires. Les prix bas, c'est... Géant ! Variété Clémenul, catégorie 1, calibre 2-3, origine Espagne. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et nous sommes toujours sur le cas de Julien. Il a commandé de la literie sur Internet, plus de 1 800€. Sa commande devait être livrée début septembre. Et il attend depuis désespérément, bien qu'il ait payé. Donc nous appelons maintenant le site en question Internet. Et nous allons voir qui se trouve à Boulogne-Billancourt. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle, Maître Felloneau. Habituellement, il faut attendre longtemps, Julien ? Au moins 5 minutes, si tout va bien. Bon, mais nous n'allons pas attendre 5 minutes. Nous allons laisser Charlotte décrocher. Dès qu'elle aura quelqu'un, évidemment, elle nous fait la petite alerte que vous connaissez bien et que voici. Et maintenant, voici l'arnaque en temps réel. L'arnaque en temps réel, aux quatre coins de la France, c'est dans le 9h30-11h sur RTL. Selon l'Est républicain. Le client d'une pizzeria de Besançon utilisait des cartes bancaires frappées d'opposition pour commander ses pizzas. L'homme de 37 ans avait procédé en 2 mois à 7 commandes distinctes pour une somme totale de 360€. À chaque fois, l'individu donnait rendez-vous au livreur sur un lieu neutre après avoir prétendument payé en ligne. Problème. Un jour, le responsable de l'établissement a compris le petit manège du mauvais payeur. Il l'a sommé de venir récupérer sa dernière pizza au comptoir. Le trentenaire s'est exécuté. Ce coup-ci, il a dû régler sa commande en liquide tout en promettant de rembourser ses impayés. Mais comme on peut l'imaginer, il n'a plus donné signe de vie. Retrouvé par la police, l'animateur de pizza a finalement été auditionné. Il répondra de ses actes devant la justice, Maître Felloneau. Bah oui, parce que c'est quand même aussi une escroquerie, hein, quelque part. Bah oui. Bon, alors évidemment, on pense qu'il n'aura pas de prison. Enfin, on l'espère. Surtout, on espère qu'il va rembourser, mettre un terme amiable à cette escroquerie. Nous en sommes toujours à l'attente, ma chère Charlotte, en ce qui concerne le matelas. Oui, toujours, ça fait un peu plus de 4 minutes maintenant. Céline. Je voulais vous dire quand même qu'on connaît déjà cette société. On a eu affaire à elle l'année passée. Ça s'était très bien passé. C'était notre amie Marie Noël qui était dans un cas similaire à Julien. Elle avait été remboursée suite à l'émission. Ce qui est toujours embêtant, et je le redis à tous ces sites, si vous avez du retard, dites la vérité. Dites on n'a pas rempli le conteneur, dites on a un problème, vous ne l'aurez pas votre matelas, mais arrêtez de dire ah oui, ça arrive, etc. Et puis à un moment donné, assumez, vous remboursez. Ils sont venus vous faire confiance, ces clients, parce qu'ils ont vu que vous étiez capable de livrer sous 15 jours. Si vous n'êtes pas capable, vous remboursez. C'est raté pour celui-ci, ça marchera peut-être pour un autre, Maître Felloneau. Sauf que là, Julien, lui, il veut son matelas. Et effectivement, il ne veut pas le remboursement, ce qui... Mais pourquoi il veut son matelas ? Expliquons-le, parce que je suppose que vous êtes en ligne, Julien, que vous le payez à un prix défiant toute concurrence. Il était, oui, bien placé en prix, et puis c'était voilà, avec des technologies performantes. Et, Il n'y a pas de secret, et je le redis encore une fois, il n'y a pas de secret. Si vous allez dans un grand magasin qui commande des milliers de matelas et que vous trouvez sur un site un matelas qui vaut bien moins cher, attendez-vous quand même à ce qu'il y ait un petit souci. Et le souci, il est simple, c'est que pour avoir ce prix-là, celui qu'il va vous le vendre, il est obligé d'en commander une somme incroyable et tant qu'il n'a pas eu cette somme-là, le fournisseur ne lui livre pas les matelas. Donc vous ne les avez pas au bout du compte, Bernard. Écoutez, j'ai essayé de joindre le gérant qui a une autre activité, Julien, qui a un pressing. Je le joins sur une ligne directe. J'ai laissé sonner longtemps et je tombe sur une messagerie. C'est surprenant quand même qu'un pressing soit fermé à cette heure-ci. Je vais essayer de le faire avant 11h si vous êtes d'accord. On attend toujours Charlotte si vous le voulez bien et nous allons passer au point info avec le festival des règles d'or maintenant comme nous le faisons régulièrement en fin d'émission. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Tout a commencé avec le cas Frédéric qui dirige une société spécialisée dans la fourniture de matériel. Oui, et il attend d'être payé de plus de 7 000 euros. Certaines factures datent d'un an quand même. Et nous avons appelé SCAM TP. On attend avant 11h le président Georges Albert, mais il est 10h55, on commence à désespérer. Oui, je vous le confirme Julien, personne ne répond pour l'instant. Donc nous y revenons dès les jours qui viennent. SCAM TP, Georges Albert, vous êtes à Garidec dans le 31. Nous vous rappellerons si vous avez d'énormes problèmes dans votre société. Merci de le dire à Eric. S'il n'y en a pas et que tout va bien, expliquez-lui pourquoi vous ne lui payez pas ces 7 046 euros. J'attends donc des nouvelles de Georges Albert. Nous reviendrons sur ce dossier RTL. Règle d'or. La règle d'or sur RTL. Je suis artisan, je ne suis pas payé par une boîte qui m'a fait une commande. Alors, ne pas attendre. Écoutez, faites votre mise en demeure par lettre recommandée, bien entendu. Mais saisissez le tribunal pour avoir un titre. C'est le tribunal de commerce entre commerçants, pour avoir une décision de justice, pour pouvoir l'exécuter. Et lorsque vous avez un fournisseur, un client, comme c'est le cas, qui est en plan de continuation, sachez que s'il ne paie pas ses nouvelles dettes, eh bien, il risque gros parce que la liquidation judiciaire peut déboucher sur une poursuite aussi des dirigeants. Le cas d'Ernesto était quand même assez incroyable, Céline. Il est sans retraite depuis juillet. On lui doit plus de 3 500 euros. But à Guingamp. Oui, nous avons quelqu'un, je nous crois, avons au mymatelas.fr. Oui, mymatelas. Oui, bonjour monsieur. Bonjour mymatelas. C'est Julien Courbet à l'appareil, la radio RTL. Je vous appelle car je suis avec un de vos clients, Julien Robin, qui attend depuis maintenant très longtemps son matelas et il est un petit peu désespéré. Est-ce que vous pouvez nous aider à en savoir plus? Alors, madame traduit à ceux qui sont autour. Vous êtes la madame? Mymatelas.fr? Oui, monsieur, je vous écoute. Ah ben non, vous ne m'écoutez pas, puisque je viens de vous raconter pourquoi je vous appelais. Mais vous étiez en train de dire à vos collègues, il y a Julien Courbet qui est en ligne. Donc je vais vous le redire. J'appelle parce qu'il y a Julien Robin qui attend désespérément son matelas et qui voudrait savoir où en est sa commande et s'il va vraiment l'avoir. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Oui, alors depuis combien de temps il attend son matelas? Le 31 août, il a livré le matelas. Il a commandé le matelas. Depuis le 31 août. Oui. Alors, je vous laisse regarder, Julien Robin, R-O-B-Y-N. Il va vous en dire plus. Charlotte, vous récupérez. Oui. Donc, nous, on continue notre point info très rapidement, mais enfin, c'est la fin de l'émission, malheureusement. Pour Ernesto, qui est déclaré mort, où en est-on avec... La direction a tous les éléments, Julien. Je pense que lundi ou mardi, il va recevoir un coup de fil au Portugal directement. Retour chez les vivants pour Ernesto, grâce à RTL. Ce week-end, vos champions ont rendez-vous au Camp Nou. Il y va seul, Ousmane Dembélé. Pour le match qui fait vibrer la planète football. Oui, c'est frappé au premier poteau, sur la tête de Raphaël Varane. Le Classico, FC Barcelone-Real Madrid. Karim Benzema, la frappe enchaînée. Pas de week-end sans champion, pas de week-end sans Beansport. Dimanche, vibrez avec le Classico, le vrai. FC Barcelone-Real Madrid, en direct et en exclusivité sur Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com. En ce moment, dans les magasins U, ce sont les ventes privées live. Et Morgane dit au directeur du magasin. Ah, écoutez, je suis lessivée. Oh bah alors, vous avez 40% de remise immédiate sur la lessive liquide Pods Ariel à 12,29€, soit 7,37€ la boîte de 36 doses. Et jusqu'à demain, 20% en plus en Eurocarte U. Oh bah c'est propre ça! C'est nickel, alors dépêchez-vous. Les ventes privées live, c'est jusqu'à demain dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com, soit 7,58€ le kilo. U. Commerçons autrement. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Pourquoi tu allumes une bougie, papy? Une première bougie va s'éteindre, mais avec elle, une autre bougie va s'allumer. Quand la deuxième bougie s'éteindra, une troisième scintillera encore. Et ainsi la lumière ne s'éteindra jamais. Comme l'Église, qui n'a jamais cessé de briller. Pour que jamais nos valeurs ne s'éteignent, je crois en l'Église. Je lègue à l'Église. Rendez-vous sur jecroisjelègue.catholique.fr ou appelez dès maintenant le 01 76 23 10 10. 01 76 23 10 10. Charlotte, en ce qui concerne le matelas, que vient-on de vous dire? Le colis de Julien a été remis au transporteur hier. Ah, bah écoutez, normalement, Julien, semaine prochaine, vous devriez l'avoir. On s'appelle, vous me confirmez si ce n'est pas le cas, d'accord? On va voir si on nous a joué du pipeau ou si c'est la vérité. Merci à toutes les équipes, bien sûr, d'avoir passé cette matinée avec nous. On se retrouve lundi 9h30 et la cagnotte est à 20 165 euros. Il est vraiment plus beau, Jean. Il a l'air plus viril. Il a changé quelque chose, non? Oui, il a changé de montre. Ça change de changer de montre. Profitez-en. Quand l'heure change, changez de montre. Bon week-end à vous tous, à la seconde près sur RTL, il est 11h.